Louvati, Louvati. Baby. Posez. Musique ça va jouer comme ça. Ça veut dire, si tout le monde qui là, pas qu'à faire danser, ok? Si tout le monde qui là, pas brillant, moué, pour chanter, on va jouer la musique ça. Ça est supposé musique, moi travail, moi cela là, c'est nous pour travailler. On allez. Tout le monde, baby. Il passe ça. M'attendez. Allez. Vivant. Voilà, vous n'avez jamais fait. Nous battu. C'est ça. Qui t'aime blague. M'attendez. Vivant. Tim sa pa jan vive, pou tombe sou bebe. Ou de konpwen ki sou, ay se izi san po. Tim sa pa jan vive, pou tombe sou bebe. Tout sa se se, just don't worry. Pou te bedam ki eme kontrole yo. Zami oh, si fon soti. Zami oh, pon e plase. Sorti le tonnerre. Bon devant. Tout contre un feu. Ah, ici, on en est. Balancez. On s'en va. C'est bateau, ouais. C'est bateau, ouais. Tout le monde en se met. Baby, cool down. Papa, pas jamais, pas jamais, pas jamais,

When I move you, move it. When I move you, move it. When I move you, move it. When I move you, move it. When I move you, move it. When I move you, move it. When I move you, move it. Le front bien, levez. Souge. Bossa, souge. Meilleur bossa, bossa, c'est. Bossa, souge. Meilleur bossa, bossa, c'est. Bossa, souge. Souge meilleur bossa, bossa, c'est. Bossa. Tout le monde avec Karim et Activa et Sassouya. Fais-moi bien la main, s'il vous plaît. On vient la main, s'il vous plaît. Attention. David lui, bon côté, nous, classe, Kaila. Thank you.